Bande Koba Bolingo, rythme mondial, Yasika. Ah ah. Je pense à vous mes frères, outre toutes les mers, du fond de ma colère, été, hiver, comme ma lumière s'éteint. Et que mon cœur s'étreint, je pense à vous matin sur mon chemin. Ou de toutes les guerres, grandis dans la poussière, de toutes les misères, tous les